jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur. Quand ton nom de joie, gloire et honneur te reviennent. Quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, te reviennent, Seigneur. J'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, te reviennent. Elles te reviennent. À toi seul.